Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. 9e épisode. Tandis que Madame de Merteuil s'amuse avec Danceny, Valmont, feignant un profond repentir, a obtenu un entretien avec Madame de Tourvel. Lettre 125. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 29 octobre. La voilà donc vaincue. Cette femme superbe qui avait osé croire qu'elle pourrait me résister. Oui, mon ami, elle est à moi. Entièrement à moi, et depuis hier, elle n'a plus rien à m'accorder. Ici, ce n'est pas comme dans mes autres aventures une simple capitulation plus ou moins avantageuse et dont il est plus facile de profiter que de s'enorgueillir, c'est une victoire complète, achetée par une campagne pénible et décidée par de savantes manœuvres. Il n'est donc pas surprenant que ce succès, dû à moi seul, m'en devienne plus précieux. Et le surcroît de plaisir que j'ai éprouvé dans mon triomphe et que je ressens encore n'est que la douce impression du sentiment de la gloire. Je chéris cette façon de voir, qui me sauve l'humiliation de penser que je puisse dépendre en quelque manière de l'esclave même que je me serais asservi, et que je n'ai pas en moi seul la plénitude de mon bonheur. Ces réflexions sensées régleront ma conduite dans cette importante occasion, et vous pouvez être sûr que je ne me laisserai pas tellement enchaîner que je ne puisse toujours briser ces nouveaux liens. Mais déjà je vous parle de ma rupture, et vous ignorez encore par quels moyens j'en ai acquis le droit. Lisez donc, et voyez à quoi s'expose la sagesse en essayant de secourir la folie. Il était 6 heures du soir, quand j'arrivai chez la belle recluse, car depuis son retour, sa porte était restée fermée à tout le monde. Elle essaya de se lever quand on m'annonça. Mais ses genoux tremblants ne lui permirent pas de rester dans cette situation, elle se rassit sur le champ. Après avoir exposé en peu de mots que le père Anselme l'avait dû informer des motifs de ma visite, je me suis plaint du traitement rigoureux que j'avais éprouvé, et j'ai appuyé sur le mépris qu'on m'avait témoigné. On s'en est défendu comme je m'y attendais. Comme on commençait une justification qui aurait été bien facile, j'ai cru devoir l'interrompre. Et pour me faire pardonner cette manière brusque, je l'ai couverte aussitôt par une cajolerie. « Si tant de charme, ai-je repris, ont fait sur mon cœur une impression si profonde, tant de vertus n'en ont pas moins fait sur mon âme. Séduit sans doute par le désir de m'en rapprocher, j'avais osé m'en croire digne. Je ne vous reproche point d'en avoir jugé autrement, mais je me punis de mon erreur. » Ici, on a pourtant essayé de répondre. « Mon devoir ne me permettait pas. » La voix de la tendre prude était oppressée et ses yeux ne s'élevaient pas jusqu'à moi. Je jugeais devoir animer un peu cette scène languissante. Ainsi, me levant avec l'air du dépit, « Votre fermeté, dis-je alors, me rend toute la mienne. Eh bien oui, madame, nous serons séparés, plus même que vous ne pensez, et vous vous féliciterez à loisir de votre ouvrage. » Elle voulut répliquer. « La résolution que vous avez prise, dit-elle, n'est que l'effet de mon désespoir, repris-je avec emportement. Vous avez voulu que je sois malheureux, je vous prouverai que vous avez réussi au-delà même de vos souhaits. »« Je désire votre bonheur, » répondit-elle, et le ton de sa voix commençait à annoncer une émotion assez forte. Aussi, me précipitant à ses genoux, et du ton dramatique que vous me connaissez, « Ah, cruel !» me suis-je écrié. « Peut-il exister pour moi un bonheur que vous ne partagiez pas ? Jamais, jamais !» Puis, changeant seulement l'inflexion de ma voix et gardant la même posture, « Oui, continuai-je, j'en fais le serment à vos pieds, vous posséder ou mourir ?» En prononçant ces dernières paroles, nos regards se rencontrèrent. Je ne sais ce que la timide personne vit ou crut voir dans les miens, mais elle se leva d'un air effrayé et s'échappa de mes bras dont je l'avais entourée. Cependant, tandis qu'elle se dérobait à moi, j'ajoutai d'un ton bas et sinistre, mais de façon qu'elle pût m'entendre, « Eh bien, la mort !» Je me relevai alors, et je jetai sur elle, comme au hasard, des regards farouches. Le maintien mal assuré, la respiration haute, la contraction de tous les muscles, les bras tremblants et à demi élevés, tout tout me prouvait assez que l'effet avait été tel que j'avais voulu le produire. Ensuite, d'un air composé mais contraint, je lui dis « Pardon, madame. Peu accoutumé aux orages des passions, je sais mal en réprimer les mouvements. Si j'ai eu tort de m'y livrer, songez au moins que c'est pour la dernière fois. Ah, calmez-vous, calmez-vous, je vous en conjure. » Ici, l'amante craintive céda entièrement à sa tendre inquiétude. « Mais, monsieur de Valmont, qu'avez-vous et que voulez-vous dire ?» Là, je la pressai de mes bras sans qu'elle se défendît aucunement, et jugeant par cet oubli des bienséances combien l'émotion était forte, « Femme adorable, lui dis-je, vous n'avez pas d'idée de l'amour que vous inspirez. Vous ne saurez jamais jusqu'à quel point vous fûtes adorée. Puissent tous vos jours être fortunés et tranquilles. Payez au moins ce vœu sincère par un regret, par une larme, et croyez que le dernier de mes sacrifices ne sera pas le plus pénible à mon cœur. Adieu. » Tandis que je parlais ainsi, je sentais son cœur palpiter avec violence. J'observais l'altération de sa figure, je voyais surtout les larmes la suffoquer, et ne coulaient cependant que rares et pénibles. Ce ne fut qu'alors que je pris le parti de feindre de m'éloigner. Aussi, me retenant avec force, « Non, écoutez-moi, » dit-elle vivement. « Laissez-moi, » répondis-je. « Vous m'écouterez, je le veux. Il faut vous fuir. Il le faut. Non !» s'écria-t-elle. À ce dernier mot, elle tomba évanouie entre mes bras. Comme je doutais encore d'un si heureux succès, je feignis un grand effroi. Mais tout en m'effrayant, je la conduisais ou la portais vers une ottomane que j'avais précédemment désignée comme le champ de ma gloire. Et en effet, elle ne revint à elle que soumise et déjà livrée à son heureux vainqueur. Mais je crains à présent de m'être amolli comme Hannibal dans les délices de Capoue. Voilà ce qui est arrivé depuis. Je m'attendais bien qu'un si grand événement ne se passerait pas sans les larmes et le désespoir d'usage. Mais je trouvais une résistance vraiment effrayante. Moins encore par son excès que par la forme sous laquelle elle se montrait. Je me rabattis sur les lieux communs d'usage, et dans le nombre se trouva celui-ci. « Et vous êtes dans le désespoir parce que vous avez fait mon bonheur ?» À ce mot, l'adorable femme se tourna vers moi. « Votre bonheur ?» me dit-elle. « Vous devinez ma réponse. Vous êtes donc heureux ?» Je redoublai les protestations et les tendres propos. Tandis que je parlais, tous ses membres s'assouplirent. Elle retomba avec mollesse, appuyée sur son fauteuil. Et m'abandonnant une main que j'avais osé prendre, « Je sens, » dit-elle, « que cette idée me console et me soulage. » Vous jugez qu'ainsi remis sur la voie, je ne la quittais plus. C'était réellement la bonne et peut-être la seule. Aussi, quand je voulus tenter un second succès, « Vous avez raison. » me dit la tendre personne. « Je ne puis plus supporter mon existence qu'autant qu'elle servira à vous rendre heureux. Je m'y consacre tout entière. De ce moment, je me donne à vous et vous n'éprouverez de ma part ni refus ni regret. » Ce fut avec cette candeur naïve ou sublime qu'elle me livra sa personne et ses charmes et qu'elle augmenta mon bonheur en le partageant. L'ivresse fut complète et réciproque, et pour la première fois, la mienne survécut au plaisir. Je ne sortis de ses bras que pour tomber à ses genoux, pour lui jurer un amour éternel. Et, il faut tout avouer, je pensais ce que je disais. Enfin, même après nous être séparés, son idée ne me quittait point, et j'ai eu besoin de me travailler pour m'en distraire. Ah! Pourquoi n'êtes-vous pas ici pour balancer le mérite de l'action par celui de la récompense? Mais je ne perdrai rien pour attendre, n'est-il pas vrai? Vous voyez que je m'exécute et que, comme je vous l'ai promis, mes affaires seront assez avancées pour que je puisse vous donner une partie de mon temps. Dépêchez-vous donc de renvoyer votre pesant amant et laissez là le doucereux Danceny pour ne vous occuper que de moi. Adieu comme autrefois. Oui, adieu, mon ange, je t'envoie tous les baisers de l'amour. Lettre 127. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 31 octobre. Si je n'ai pas répondu, vicomte, à vos lettres, ce n'est pas que je n'en ai pas eu le temps. C'est tout simplement qu'elles m'ont donné de l'humeur et que je ne leur ai pas trouvé le sens commun. J'ai pu avoir quelquefois la prétention de remplacer à moi seul tout un sérail, mais il ne m'a jamais convenu d'en faire partie. Je croyais que vous saviez cela. Au moins, à présent que vous ne pouvez plus l'ignorer, vous jugerez facilement combien votre proposition a dû me paraître ridicule. Qui ? Moi ? Je sacrifierais un goût, et encore un goût nouveau, pour m'occuper de vous ? Certes, vous êtes riche en bonne opinion de vous-même, mais apparemment je ne le suis pas en modestie, car j'ai beau me regarder, je ne peux pas me trouver déchu jusque-là. C'est peut-être un tort que j'ai, mais je vous préviens que j'en ai beaucoup d'autres. J'ai surtout celui de croire que l'écolier, le doucereux Danceny, uniquement occupé de moi, me sacrifiant sans s'en faire un mérite, une première passion avant même qu'elle ait été satisfaite, et m'aimant enfin comme on aime à son âge, pourrait malgré ses 20 ans travailler plus efficacement que vous à mon bonheur et à mes plaisirs. Il est vrai que dans le temps où nous nous aimions, car je crois que c'était de l'amour, j'étais heureuse, et vous, vicomte. Mais pourquoi s'occuper encore d'un bonheur qui ne peut revenir ? Non, quoi que vous en disiez, c'est un retour impossible. D'abord, j'exigerais un sacrifice que sûrement vous ne pourriez ou ne voudriez pas me faire, celui de Madame de Tourvel. Et puis comment vous fixer ? Je ne veux seulement pas m'occuper de cette idée. Adieu comme autrefois, dites-vous. Mais autrefois, vous faisiez un peu plus de cas de moi. Vous ne m'aviez pas destiné tout à fait au troisième rôle, et surtout, vous vouliez bien attendre que j'eusse dit oui avant d'être sûr de mon consentement. Trouvez donc bon qu'au lieu de vous dire aussi adieu comme autrefois, je vous dise adieu comme à présent. Votre servante, monsieur le vicomte. Lettre 128. La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde, ce 1er novembre. Je n'ai reçu qu'hier, madame, votre tardive réponse. Elle m'aurait tuée sur le champ, si j'avais eu encore mon existence en moi. Mais un autre en est possesseur. Et cet autre est monsieur de Valmont. Vous voyez que je ne vous cache rien. Tout ce que je puis vous dire, c'est que, placé par monsieur de Valmont entre sa mort ou son bonheur, je me suis décidée pour ce dernier parti. Je ne m'en vante ni ne m'en accuse. Je dis simplement ce qui est. Ce n'est pas que je n'aie des moments cruels. Mais quand mon cœur est le plus déchiré, quand je crains de ne pouvoir plus supporter mes tourments, je me dis « Valmont est heureux ». Et tout disparaît devant cette idée. Ou plutôt, elle change tout en plaisir. C'est donc à votre neveu que je me suis consacrée. C'est pour lui que je me suis perdue. Il est devenu le centre unique de mes pensées, de mes sentiments, de mes actions. Tant que ma vie sera nécessaire à son bonheur, elle me sera précieuse, et je la trouverai fortunée. Si quelque jour il en juge autrement, il n'entendra de ma part ni plainte ni reproche. J'ai déjà osé fixer les yeux sur ce moment fatal, et mon parti est pris. Vous venez, madame, de lire dans mon cœur. J'ai préféré le malheur de perdre votre estime par ma franchise à celui de me rendre indigne par le mensonge. Je suis, avec respect, madame, votre très humble et très obéissante servante. Lettre 133. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 8 novembre. Ainsi donc, ma belle amie, vous me croyez amoureux, subjugué ? Et le prix que j'ai mis au succès, vous me soupçonnez de l'attacher à la personne ? Ah, grâce au ciel, je n'en suis pas encore réduit là, et je m'offre à vous le prouver. Oui, je vous le prouverai. Quand même, ce devrait être envers Madame de Tourvel. Assurément, après cela, il ne doit pas vous rester de doute. J'ai pu, je crois, sans me compromettre, donner quelque temps à une femme qui a au moins le mérite d'être d'un genre qu'on rencontre rarement. Peut-être aussi la saison morte dans laquelle est venue cette aventure m'a fait m'y livrer davantage. Et encore à présent, qu'à peine le grand courant commence à reprendre, il n'est pas étonnant qu'elle m'occupe presque en entier. Mais songez donc qu'il n'y a guère que 8 jours que je jouis du fruit de 3 mois de soins. Il ne serait donc pas étonnant qu'elle me fixât plus de temps qu'une autre. Mais de ce que l'esprit est occupé, s'ensuit-il que le cœur soit esclave ?